quel talent. Meister. Leicester. Le grand. Peintre catalan. Comme un Dali. Comme un Dali. Comme un Dali. C'est fou la vie, certains voient une infidélité, d'autres une épouse triste, hiver comme été. Peu importe que tu veuilles ou pas te venger, parfois le salut d'une femme malheureuse se cache dans le danger. Je vois l'Italie sur la côte, mon pote. Lui ne voit rien d'autre qu'une vulgaire botte. Un mort pour 100 misérables euros, non. Un mort pour une question de principe et d'égo. Oh, le crotal n'a pas un regard plaisant. Mais qui empêcherait le rongeur de spolier les récoltes du paysan? La seule certitude, la mort, ça fait pas kiffer. Donner la vie, c'est beau, oui, mais c'est tuer à petit feu. Je fais des sons de paix, j'insiste. Debout sur le droit chemin. Pas d'assises, fumer peut calmer ou peut calmer, tirer peut sauver ou condamner. Comme un Dali, je vois le mal dans le bien. Comme un Dali, je vois la mort dans la vie. Je vois flou comme un Dali. Suis-je fou comme un Dali? J'avoue. Avide de pouvoir, du short au starco. Quand sa femme veut partir, il la menace, il se met sur ses côtes. Il humilie ses adversaires, même chez les fachos, il a rêvé d'avoir la cote. Il a rêvé d'un jet à son nom, on le soupçonne à tort de toucher à la coke. Il a rêvé d'une artiste mannequin célèbre et polyglotte. Je vois un mec de quartier, lui il voit Sarko. Tu vois une star accomplie, mais elle se mutilait. C'est un ado capitaliste, tu vois un dealer. De vue concrète, l'innocence du nourrisson crève quand il existe plus que du lait. Comme un Dali, on a un double discours, l'un devant l'inspecteur, l'autre devant les potes. Condamné au trouble qui court, l'Italie est la botte. Comme un Dali, je vois le mal dans le bien. Comme un Dali, je vois la mort dans la vie. Je vois flou comme un Dali. Suis-je fou comme un Dali? J'avoue comme un Dali. Et vous? La vérité se paie dans l'internement. Je vois des paires de fesses, vos mecs, une tête de mort. Je lui rends hommage. Quel talent. Salvatore Dali, le grand peintre.